Saint Louis, délivré de captivité, se retire en Palestine et y demeure près de 4 ans avec les débris de ses vaisseaux et de son armée. Il va visiter Nazareth au lieu de retourner en France et enfin ne revient dans sa patrie qu'après la mort de la Reine Blanche, sa mère. Mais il y rentre pour former une nouvelle croisade. Son séjour à Paris lui procurait continuellement des avantages et de la gloire. Et pendant ce temps, il augmentait ses domaines. 13 ans de sa présence réparèrent en France tout ce que son absence avait ruiné. Mais sa passion pour les croisades l'entraînait.